Cet été, le co-animateur et les chroniqueurs d'Assemblage requis se joignent à la co-animatrice et à la musique de Palmarès C'est fou pour partir en vacances estivales au magnifique tout-inclus de C'est fou. Suivez les aventures d'Assemblage requis à la plage avec Mathieu Plante, Stéphanie Paradis et Jean-Philippe Charbonneau. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h, en rappel les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été à C'est fou.